Novembre de Gustave Flaubert. Première partie. J'aime l'automne, cette triste saison va bien aux souvenirs. Quand les arbres n'ont plus de feuilles, quand le ciel conserve encore au crépuscule la teinte rousse qui dort l'herbe fanée, il est doux de regarder s'éteindre tout ce qui naguère brûlait encore en vous. Je viens de rentrer de ma promenade dans les prairies vides, au bord des fossés froids, où les saules se mirent. Le vent faisait siffler leurs branches dépouillées. Quelquefois, ils se taisaient et puis ils recommençaient tout d'un coup. Alors les petites feuilles qui restent attachées aux broussailles tremblaient de nouveau. L'herbe frissonnait en se penchant sur terre. Tout semblait devenir plus pâle et plus glacé. À l'horizon, le disque du soleil se perdait dans la couleur blanche du ciel et le pénétrait alentour d'un peu de vie expirante. J'avais froid et presque peur. Je me suis mise à l'abri derrière un monticule de gazon. Le vent avait cessé. Je ne sais pourquoi, comme j'étais là, assis par terre, ne pensant à rien, et regardant au loin la fumée qui sortait des chaumes, ma vie entière s'est placée devant moi comme un fantôme, et l'amer parfum des jours qui ne sont plus m'est revenu avec l'odeur de l'herbe séchée et des bois morts. Mes pauvres années ont repassé devant moi comme emportées par l'hiver dans une tourmente lamentable. Quelque chose de terrible roulait dans mon souvenir, avec plus de furie que la brise ne faisait courir les feuilles dans les sentiers paisibles. Une ironie étrange les frôlait et les retournait pour mon spectacle, et puis toutes s'envolaient ensemble et se perdaient dans un ciel morne. Elle est triste la saison où nous sommes. On dirait que la vie va s'en aller avec le soleil. Le frisson vous court dans le cœur comme sur la peau. Tous les bruits s'éteignent. Les horizons pâlissent. Tout va dormir ou mourir. Je voyais tantôt les vaches rentrer. Elles beuglaient en se tournant vers le couchant. Le petit garçon qui les chassait devant lui avec une ronce grelottait sous ses habits de toile. Elle glissait sur la boue en redescendant la côte et écrasait quelques pommes restées dans l'herbe. Le soleil jetait un dernier adieu derrière les collines confondues, les lumières des maisons s'allumaient dans la vallée et la lune, l'astre de la rosée, l'astre des pleurs, commençait à se découvrir dans les nuages et à montrer sa pâle figure. J'ai savouré longuement ma vie perdue. Je me suis dit avec joie que ma jeunesse était passée, car c'est une joie de sentir le froid vous venir au cœur et de pouvoir dire, le tâtant de la main comme un foyer qui fume encore, « Il ne brûle plus ». J'ai repassé lentement dans toutes les choses de ma vie, idées, passions, jours d'emportement, jours de deuil, battements d'espoir, déchirements d'angoisse. J'ai tout revu, comme un homme qui visite les catacombes et qui regarde lentement des deux côtés, des morts rangés après des morts. À compter les années, cependant, il n'y a pas longtemps que je suis née, mais j'ai à moi des souvenirs nombreux dont je me sens accablée, comme le sont les vieillards de tous les jours qu'ils ont vécu. Il me semble quelquefois que j'ai duré pendant des siècles et que mon être renferme les débris de 1000 existences passées. Pourquoi cela ? Ai-je aimé? Ai-je haï? Ai-je cherché quelque chose? J'en doute encore. J'ai vécu en dehors de tout mouvement, de toute action, sans me remuer, ni pour la gloire, ni pour le plaisir, ni pour la science, ni pour l'argent. De tout ce qui va suivre, personne n'a rien su, et ceux qui me voyaient chaque jour, pas plus que les autres. Ils étaient par rapport à moi comme le lit sur lequel je dors et qui ne sait rien de mes songes. Et d'ailleurs, le cœur de l'homme n'est-il pas une énorme solitude où nul ne pénètre? Les passions qui y viennent sont comme les voyageurs dans le désert du Sahara. Elles y meurent étouffées et leurs cris ne sont point entendus au-delà. Dès le collège, j'étais triste. Je m'y ennuyais. Je m'y cuisais de désirs. J'avais d'ardentes aspirations vers une existence insensée et agitée. Je rêvais les passions. J'aurais voulu toutes les avoir. Derrière la 20e année, il y avait pour moi tout un monde de lumière, de parfums. La vie m'apparaissait de loin avec des splendeurs et des bruits triomphaux. C'était comme dans les contes de fées, des galeries les unes après les autres, où les diamants ruissellent sous le feu des lustres d'or. Un nom magique fait rouler sur leurs gonds les portes enchantées, et à mesure qu'on avance, l'œil plonge dans des perspectives magnifiques, dont l'éblouissement fait sourire et fermer les yeux. Vaguement, je convoitais quelque chose de splendide que je n'aurais su formuler par aucun mot, ni préciser dans ma pensée sous aucune forme, mais dont j'avais néanmoins le désir positif, incessant. J'ai toujours aimé les choses brillantes. Enfant, je me poussais dans la foule, à la portière des charlatans, pour voir les galons rouges de leurs domestiques et les rubans de la bride de leurs chevaux. Je restais longtemps devant la tente des battleurs, à regarder leurs pantalons bouffants et leurs collerettes brodées. Oh, comme j'aimais surtout la danseuse de cordes, avec ses longs pendants d'oreilles qui allaient et venaient autour de sa tête, son gros collier de pierre qui battait sur sa poitrine. Avec quelle avidité inquiète je la contemplais, quand elle s'élançait jusqu'à la hauteur des lampes suspendues entre les arbres, et que sa robe bordée de paillettes d'or claquait en sautant et se bouffait dans l'air. Ce sont là les premières femmes que j'ai aimées. Mon esprit se tourmentait en songeant à ses cuisses de formes étranges, si bien serrées dans des pantalons roses, à ses bras souples, entourés d'anneaux qu'elles faisaient craquer sur leur dos en se renversant en arrière, quand elles touchaient jusqu'à terre avec les plumes de leur turban. La femme que je tâchais déjà de deviner, il n'est pas d'âge où l'on y songe, enfant nous palpons avec une sensualité naïve la gorge des grandes filles qui nous embrassent et qui nous tiennent dans leurs bras. À 10 ans, on rêve à l'amour. À 15, il vous arrive. À 60, on le garde encore. Et si les morts songent à quelque chose dans leur tombeau, c'est à gagner sous terre la tombe qui est proche pour soulever le suaire de la trépassée et se mêler à son sommeil. La femme était donc pour moi un mystère attrayant qui troublait ma pauvre tête d'enfant. À ce que j'éprouvais lorsqu'une de celles-ci venait à se fixer ses yeux sur moi, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de fatal dans ce regard émouvant qui pouvait fondre les volontés humaines et j'en étais à la fois charmée et épouvantée. À quoi rêvais-je durant les longues soirées d'études quand je restais, le coude appuyé sur mon pupitre, à regarder la mèche du quinquet s'allonger dans la flamme et chaque goutte d'huile tomber dans le godet, pendant que mes camarades faisaient crier leurs plumes sur le papier et qu'on entendait de temps à autre le bruit d'un livre qu'on feuilletait et qu'on refermait. Je me dépêchais bien vite de faire mes devoirs pour pouvoir me livrer à l'aise à ces pensées chéries. En effet, je me le promettais d'avance, avec tout l'attrait d'un plaisir réel, je commençais par me forcer à y songer comme un poète qui veut créer quelque chose et provoquer l'inspiration. J'entrais le plus avant possible dans ma pensée, je la retournais sous toutes ses faces, j'allais jusqu'au fond, je revenais et je recommençais. Bientôt, c'était une course effrénée de l'imagination. Un élan prodigieux hors du réel, et je me faisais des aventures, je m'arrangeais des histoires, je me bâtissais des palais, je m'y logeais comme un empereur, je creusais toutes les mines de diamants, et je me les jetais à seaux sur le chemin que je devais parcourir. Et quand le soir était venu, que nous étions tous couchés dans nos lits blancs, avec nos rideaux blancs, et que le maître d'études seul se promenait de long en large dans le dortoir, comme je me renfermais bien plus en moi-même, cachant avec délices dans mon sein cet oiseau qui battait des ailes et dont je sentais la chaleur. J'étais toujours longtemps à m'endormir, j'écoutais les heures sonner. Plus elles étaient longues, plus j'étais heureux. Il me semblait qu'elle me poussait dans le monde en chantant et saluait chaque moment de ma vie en me disant « aux autres, à venir, adieu, adieu ». Et quand la dernière vibration s'était éteinte, quand mon oreille ne bourdonnait plus à l'entendre, je me disais « à demain, la même heure sonnera, mais demain, ce sera un jour de moins, un jour de plus vers là-bas, vers ce but qui brille, vers mon avenir ». Vers ce soleil dont les rayons m'inondent, et je toucherai alors des mains. Et je me disais que c'était bien long à venir, et je m'endormais presque en pleurant. Certains mots me bouleversaient, celui de femme, de maîtresse surtout. Je cherchais l'explication du premier dans les livres, dans les gravures, dans les tableaux, dont j'aurais voulu pouvoir arracher les draperies pour y découvrir quelque chose. Le jour enfin que je devinais tout, cela m'étourdit d'abord avec délice, comme une harmonie suprême, Mais bientôt je devins calme et vécus dès lors avec plus de joie. Je sentis un mouvement d'orgueil à me dire que j'étais un homme, un être organisé pour avoir un jour une femme à moi. Le mot de la vie m'était connu. C'était presque y entrer et déjà en goûter quelque chose. Mon désir n'alla pas plus loin, et je demeurais satisfait de savoir ce que je savais. Quant à une maîtresse, c'était pour moi un être satanique, dont la magie du nom seul me jetait en de longues extases. C'était pour leur maîtresse que les rois ruinaient et gagnaient des provinces. Pour elle, on tapissait les tapis de l'Inde, on tournait l'or, on ciselait le marbre, on remuait le monde. Une maîtresse a des esclaves, avec des éventails de plumes pour chasser les moucherons quand elle dort sur des sofas de satin. Des éléphants chargés de présents attendent qu'elle s'éveille. Des palanquins la portent mollement au bord des fontaines. Elle siège sur des trônes, dans une atmosphère rayonnante et embaumée, bien loin de la foule, dont elle est l'exécration et l'idole. Ce mystère de la femme en dehors du mariage, et plus femme encore à cause de cela même, m'irritait et me tentait du double appât de l'amour et de la richesse. Je n'aimais rien tant que le théâtre, j'en aimais jusqu'au bourdonnement des entractes, jusqu'au couloir que je parcourais le cœur ému pour trouver une place. Quand la représentation était déjà commencée, je montais l'escalier en courant. J'entendais le bruit des instruments, des voix, des bravos, et quand j'entrais, que je m'asseyais, tout l'air était embaumé d'une chaude odeur de femme bien habillée, quelque chose qui sentait le bouquet de violettes, les gants blancs, le mouchoir brodé, les galeries couvertes de monde, comme autant de couronnes de fleurs et de diamants, semblaient se tenir suspendues à entendre chanter. L'actrice seule était sur le devant de la scène, et sa poitrine, d'où sortaient des notes précipitées, se baissait et montait en palpitant. Le rythme poussait sa voix au galop et l'emportait dans un tourbillon mélodieux. Les roulades faisaient onduler son cou gonflé, comme celui d'un cygne, sous le poids de baisers aériens. Elle tendait les bras, criait, pleurait, lançait des éclairs, appelait quelque chose avec un inconcevable amour. Et quand elle reprenait le motif, il me semblait qu'elle arrachait mon cœur avec le son de sa voix pour le mêler à elle dans une vibration amoureuse. On l'applaudissait, on lui jetait des fleurs, et dans mon transport, je savourais sur sa tête les adorations de la foule, l'amour de tous ces hommes et le désir de chacun d'eux. C'est de celle-là que j'aurais voulu être aimée, aimée d'un amour dévorant et qui fait peur, un amour de princesse ou d'actrice qui nous remplit d'orgueil et vous fait de suite l'égale des riches et des puissants. Quelle est belle la femme que tous applaudissent et que tous envient, celle qui donne à la foule pour les rêves de chaque nuit la fièvre du désir, celle qui n'apparaît jamais qu'au flambeau, brillante et chantante et marchant dans l'idéal d'un poète comme dans une vie faite pour elle. Elle doit avoir pour celui qu'elle aime un autre amour, bien plus beau encore que celui qu'elle verse à flot sur tous les cœurs béants qui s'en abreuvent, des chants bien plus doux, des notes bien plus basses, plus amoureuses, plus tremblantes. Si j'avais pu être près de ses lèvres, d'où elle sortait si pure, touchée à ses cheveux luisants qui brillaient sous des perles, mais la rampe du théâtre me semblait la barrière de l'illusion. Au-delà, il y avait pour moi l'univers de l'amour et de la poésie. Les passions y étaient plus belles et plus sonores. Les forêts et les palais s'y dissipaient comme de la fumée. Les sylphides descendaient des cieux. Tout chantait, tout aimait. C'est à tout cela que je songeais seul le soir quand le vent sifflait dans les corridors ou dans les récréations, pendant qu'on jouait au bar ou à la balle, et que je me promenais le long du mur, marchant sur les feuilles tombées des tilleuls pour m'amuser à entendre le bruit de mes pieds qui les soulevaient et les poussaient. Je fus bientôt pris du désir d'aimer. Je souhaitais l'amour avec une convoitise infinie. J'en rêvais les tourments. Je m'attendais chaque instant à un déchirement qui m'eût comblé de joie. Plusieurs fois, je crus y être. Je prenais dans ma pensée la première femme venue qui m'avait semblé belle, et je me disais « c'est celle-là que j'aime ». Mais le souvenir que j'aurais voulu en garder s'apâlissait et s'effaçait au lieu de grandir. Je sentais d'ailleurs que je me forçais à aimer, que je jouais vis-à-vis de mon cœur une comédie qui ne le dupait point, et cette chute me donnait une longue tristesse. Je regrettais presque des amours que je n'avais pas eus, et puis j'en rêvais d'autres dont j'aurais voulu pouvoir me combler l'âme. C'était surtout le lendemain de bal ou de comédie, à la rentrée d'une vacance de 2 ou 3 jours, que je me rêvais une passion. Je me représentais celle que j'avais choisie, telle que je l'avais vue, en robe blanche, enlevée dans une valse au bras d'un cavalier qui la soutient et qui lui sourit, ou appuyée sur la rampe de velours d'une loge et montrant tranquillement un profil royal. Le bruit des contredanses, l'éclat des lumières résonnait et m'éblouissait quelque temps encore, puis tout finissait par se fondre dans la monotonie d'une rêverie douloureuse. J'ai eu ainsi 1000 petits amours qui ont duré 8 jours ou 1 mois et que j'ai souhaité prolonger des siècles. Je ne sais en quoi je les faisais consister, ni quel était le but où ces vagues désirs convergeaient. C'était, je crois, le besoin d'un sentiment nouveau et comme une aspiration vers quelque chose d'élevé dont je ne voyais pas le fait. La puberté du cœur précède celle du corps. Oh! J'avais plus besoin d'aimer que de jouir, plus envie de l'amour que de la volupté. Je n'ai même plus maintenant l'idée de cet amour de la première adolescence, où les sens ne sont rien et que l'infini seul remplit. Placé entre l'enfance et la jeunesse, il en est la transition et passe si vite qu'on l'oublie. J'avais tant lu chez les poètes le mot amour, et si souvent je me le redisais pour me charmer de sa douceur, qu'à chaque étoile qui brillait dans un ciel bleu par une nuit douce, qu'à chaque murmure des flots sur la rive, qu'à chaque rayon de soleil dans les gouttes de la rosée, je me disais « j'aime, oh j'aime ». Et j'en étais heureux. J'en étais fier. Déjà prêt aux dévouements les plus beaux, et surtout quand une femme m'effleurait en passant ou me regardait en face, j'aurais voulu l'aimer 1000 fois plus, partir encore davantage et que mon petit battement de cœur pût me casser la poitrine. Il y a un âge, vous le rappelez-vous, lecteur, où l'on sourit vaguement comme s'il y avait des baisers dans l'air. On a le cœur tout gonflé d'une brise odorante, le sang bat chaudement dans les veines, il y pétille comme le vin bouillonnant dans la coupe de cristal. Vous vous réveillez plus heureux et plus riche que la veille, plus palpitant, plus ému. De doux fluides montent et descendent en vous et vous parcourent divinement de leur chaleur enivrante. Les arbres tordent leurs têtes sous le vent de molles courbures, les feuilles frémissent les unes sur les autres, comme si elles se parlaient. Les nuages glissent et ouvrent le ciel, ou la lune sourit et se mire d'en haut sur la rivière. Quand vous marchez le soir, respirant l'odeur des foins coupés, écoutant le coucou dans les bois, regardant les étoiles qui filent, votre cœur, n'est-ce pas? Votre cœur est plus pur, plus pénétré d'air, de lumière et d'azur que l'horizon paisible, où la terre touche le ciel dans un calme baiser. Oh, comme les cheveux de femmes embaument, comme la peau de leurs mains est douce, comme leurs regards nous pénètrent. Mais déjà ce n'étaient plus les premiers éblouissements de l'enfance, souvenirs agitants des rêves de la nuit passée. J'entrais au contraire dans une vie réelle, où j'avais ma place dans une harmonie immense, où mon cœur chantait un hymne et vibrait magnifiquement. Je goûtais avec joie cet épanouissement charmant, et mes sens s'éveillant ajoutaient à mon orgueil. Comme le premier homme créé, je me réveillais enfin d'un long sommeil, et je voyais près de moi un être semblable à moi, mais muni des différences qui plaçaient entre nous deux une attraction vertigineuse. Et en même temps, je sentais pour cette forme nouvelle un sentiment nouveau dont ma tête était fière, tandis que le soleil brillait plus pur, que les fleurs embaumaient mieux que jamais, que l'ombre était plus douce et plus aimante. Simultanément à cela, je sentais chaque jour le développement de mon intelligence. Elle vivait avec mon cœur d'une vie commune. Je ne sais pas si mes idées étaient des sentiments, car elles avaient toute la chaleur des passions. La joie intime que j'avais dans le profond de mon être débordait sur le monde et l'embaumait pour moi du surplus de mon bonheur. J'allais toucher à la connaissance des voluptés suprêmes, et comme un homme à la porte de sa maîtresse, je restais longtemps à me faire languir exprès pour savourer un espoir certain et me dire « Tout à l'heure, je vais la tenir dans mes bras, elle sera à moi, bien à moi, ce n'est pas un rêve. » Étrange contradiction. Je fuyais la société des femmes et j'éprouvais devant elles un plaisir délicieux. Je prétendais ne point les aimer, tandis que je vivais dans toutes et que j'aurais voulu pénétrer l'essence de chacune pour me mêler à sa beauté. Leurs lèvres déjà m'invitaient à d'autres baisers que ceux des mères. Par la pensée, je m'enveloppais de leurs cheveux et je me plaçais entre leurs seins pour m'y écraser sous un étouffement divin. J'aurais voulu être le collier qui baisait leur cou, l'agrafe qui mordait leur épaule, le sentiment qui couvrait de tout le reste du corps. Au-delà du vêtement, je ne voyais plus rien. Sous lui était un infini amour. Je m'y perdais à y penser. Ces passions que j'aurais voulu avoir, je les étudiais dans les livres. La vie humaine roulait, pour moi, sur deux ou trois idées, sur deux ou trois mots, autour desquels tout le reste tournait, comme des satellites autour de leur astre. J'avais ainsi peuplé mon infini d'une quantité de soleils d'or. Les contes d'amour se plaçaient dans ma tête, à côté des belles révolutions, les belles passions face à face des grands crimes. Je songeais à la fois aux nuits étoilées des pays chauds et à l'embrasement des fils incendiés, aux lianes des forêts vierges et à la pompe des monarchies perdues, aux tombeaux et aux berceaux, murmures du flot dans les joncs, roucoulement des tourterelles sur les colombiers, bois de myrte et senteurs d'aloès, cliquetis des épées contre les cuirasses, chevaux qui piaffent, or qui reluit, étincellement de la vie, agonie de désespéré. Je contemplais tout du même regard béant, comme une fourmilière qui se fût agitée à mes pieds. Mais par-dessus cette vie si mouvante à la surface, si résonnante de tant de cris différents, surgissait une immense amertume qui en était la synthèse et l'ironie. Le soir, dans l'hiver, je m'arrêtais devant les maisons éclairées où l'on dansait, et je regardais des ombres passer derrière des rideaux rouges. J'entendais des bruits chargés de luxe, des verres qui claquaient sur des plateaux, de l'argenterie qui tintait dans les plats, et je me disais qu'il ne dépendait que de moi de prendre part à cette fête où l'on se ruait, à ce banquet où tous mangeaient. Un orgueil sauvage m'en écartait, car je trouvais que ma solitude me faisait beau, et que mon cœur était plus large à le tenir éloigné de tout ce qui faisait la joie des hommes. Alors je continuais ma route à travers les rues désertes, où les réverbères se balançaient tristement en faisant crier leurs poulies. Je rêvais la douleur des poètes. Je pleurais avec eux leurs larmes les plus belles. Je les sentais jusqu'au fond du cœur. J'en étais pénétrée, navrée. Il me semblait parfois que l'enthousiasme qu'ils me donnaient me faisait leur égal et me montait jusqu'à eux. Des pages ou d'autres restaient froids, me transportaient, me donnaient une fureur de pythonis, je m'en ravageais l'esprit à plaisir. Je me les récitais au bord de la mer ou bien j'allais, la tête baissée, marchant dans l'herbe, me les disant de la voix la plus amoureuse et la plus tendre. Malheur à qui n'a pas désiré des colères de tragédie, à qui ne sait pas par cœur des strophes amoureuses pour se les répéter au clair de lune. Il est beau de vivre ainsi dans la beauté éternelle, de se draper avec les rois, d'avoir les passions à leur expression la plus haute, d'aimer les amours que le génie a rendus immortels. Dès lors, je ne vécus plus que dans un idéal sans bornes, où, libre et volant à l'aise, j'allais comme une abeille cueillir sur toutes les choses de quoi me nourrir et vivre. Je tâchais de découvrir dans les bruits des forêts et des flots des mots que les autres hommes n'entendaient point, et j'ouvrais l'oreille pour écouter la révélation de leur harmonie. Je composais avec les nuages et le soleil des tableaux énormes que nul langage n'eût pu rendre, et dans les actions humaines également, j'y percevais tout d'un coup des rapports et des antithèses dont la précision lumineuse m'éblouissait moi-même. Quelquefois, l'art et la poésie semblaient ouvrir leurs horizons infinis et s'illuminer l'un l'autre de leur propre éclat. Je bâtissais des palais de cuivre rouge, je montais éternellement dans un ciel radieux, sur un escalier de nuages plus mou que des édredons. L'aigle est un oiseau fier qui perche sur les hautes cimes. Sous lui, il voit les nuages qui roulent dans les vallées, emportant avec eux les hirondelles. Il voit la pluie tomber sur les sapins, les pierres de marbre roulées dans le gave, le pâtre qui siffle ses chèvres, les chamois qui sautent les précipices. En vain la pluie ruisselle, l'orage casse les arbres, les torrents roulent avec des sanglots, la cascade fume et bondit, le tonnerre éclate et brise la cime des monts, paisible, il vole au-dessus et bat des ailes. Le bruit de la montagne l'amuse, il pousse des cris de joie, lutte avec les nuées qui courent vite et monte encore plus haut dans son ciel immense. Moi aussi, je me suis amusée du bruit des tempêtes et du bourdonnement vague des hommes qui montaient jusqu'à moi. J'ai vécu dans une ère élevée où mon cœur se gonflait d'air pur, où je poussais des cris de triomphe pour me désennuyer de ma solitude. Il me vint bien vite un invincible dégoût pour les choses d'ici-bas. Un matin, je me sentis vieux et plein d'expérience sur mille choses inéprouvées. J'avais de l'indifférence pour les plus tentantes et du dédain pour les plus belles. Tout ce qui faisait l'envie des autres me faisait pitié. Je ne voyais rien qui valût même la peine d'un désir. Peut-être ma vanité faisait-elle que j'étais au-dessus de la vanité commune et mon désintéressement n'était-il que l'excès d'une cupidité sans bornes. J'étais comme ces édifices neufs sur lesquels la mousse se met déjà à pousser avant qu'ils ne soient achevés d'être bâtis. Les joies turbulentes de mes camarades m'ennuyaient et je haussais les épaules à leur niaiserie sentimentale. Les uns gardaient tout un an un vieux gant blanc ou un camélia fané pour le couvrir de baisers et de soupirs. D'autres écrivaient à des modistes, donnant rendez-vous à des cuisinières. Les premiers me semblaient sots, les seconds grotesques. Et puis la bonne et la mauvaise société m'ennuyaient également. J'étais cynique avec les dévots et mystique avec les libertins, de sorte que tous ne m'aimaient guère. À cette époque où j'étais vierge, je prenais plaisir à contempler les prostituées. Je passais dans les rues qu'elles habitent. Je hantais les lieux où elles se promènent. Quelquefois, je leur parlais pour me tenter moi-même. Je suivais leurs pas, je les touchais. J'entrais dans l'air qu'elles jettent autour d'elles. Et comme j'avais de l'impudence, je croyais être calme. Je me sentais le cœur vide, mais ce vide-là était un gouffre. J'aimais à me perdre dans le tourbillon des rues. Souvent, je prenais des distractions stupides, comme de regarder fixement chaque passant pour découvrir sur sa figure un vice ou une passion saillante. Toutes ces têtes passaient vite devant moi. Les unes souriaient, sifflaient en partant, les cheveux au vent. D'autres étaient pâles, d'autres rouges, d'autres livides. Elles disparaissaient rapidement à mes côtés. Elles glissaient les unes après les autres, comme les enseignes lorsqu'on est en voiture. Ou bien je ne regardais seulement que les pieds qui allaient dans tous les sens et je tâchais de rattacher chaque pied à un corps à une idée, tous ses mouvements à des buts. Et je me demandais où tous ces pas allaient et pourquoi marchaient tous ces gens. Je regardais les équipages s'enfoncer sous les péristyles sonores et le lourd marchepied se déployer avec fracas. La foule s'engouffrait à la porte des théâtres. Je regardais les lumières briller dans le brouillard et au-dessus, le ciel tout noir, sans étoiles. Au coin d'une rue, un joueur d'orgue jouait. Des enfants en guenilles chantaient. Un marchand de fruits poussait sa charrette, éclairée d'un falot rouge. Les cafés étaient pleins de bruit. Les glaces étincelaient sous le feu des becs de gaz. Les couteaux retentissaient sur les tables de marbre. À la porte, les pauvres, en grelottant, se haussaient pour voir les riches manger. Je me mêlais à eux et d'un regard pareil, je contemplais les heureux de la vie. Je jalousais leur joie banale. Car il y a des jours où on est si triste qu'on voudrait se faire plus triste encore. On s'enfonce à plaisir dans le désespoir comme dans une route facile et on a le cœur tout gonflé de larmes et l'on s'excite à pleurer. J'ai souvent souhaité d'être misérable et de porter des haillons, d'être tourmenté de la faim. De sentir le sang couler d'une blessure, d'avoir une haine et de chercher à me venger. Quelle est donc cette douleur inquiète, dont on est fier comme du génie que l'on cache comme un amour? Vous ne la dites à personne, vous la gardez pour vous seul, vous l'étreignez sur votre poitrine avec des baisers pleins de larmes. De quoi se plaindre pourtant? Et qui vous rend si sombre à l'âge où tout sourit? N'avez-vous pas des amis tout dévoués? Une famille dont vous faites l'orgueil, des bottes vernies, un paletot ouaté, etc. Rhapsodie poétique, souvenir de mauvaise lecture, hyperbole de rhétorique, que toutes ces grandes douleurs sans nom. Mais le bonheur aussi ne serait-il pas une métaphore inventée un jour d'ennui? J'en ai longtemps douté, aujourd'hui je n'en doute plus. Je n'ai rien aimé. et j'aurais voulu tant aimer. Il me faudrait mourir sans avoir rien goûté de bon. À l'heure qu'il est, même la vie humaine m'offre encore mille aspects que je n'ai qu'à peine entrevus. Jamais, seulement au bord d'une source vive et sur un cheval haletant, je n'ai entendu le son du cor au fond des bois. Jamais non plus, par une nuit douce et respirant l'odeur des roses, je n'ai senti une main frémir dans la mienne et la saisir en silence. Ah, je suis plus vide, plus creux, plus triste qu'un tonneau défoncé dont on a tout bu et où les araignées jettent leur toile dans l'ombre. Ce n'était point la douleur de René, ni l'immensité céleste de ses ennuis, plus beau et plus argenté que les rayons de la lune. Je n'étais point chaste comme Werther, ni débauché comme Don Juan. Je n'étais, pour tout, ni assez pur, ni assez fort. J'étais donc ce que vous êtes tous, un certain homme qui vit, qui dort, qui mange, qui boit, qui pleure, qui rit, bien renfermé en lui-même, et retrouvant en lui, partout où il se transporte, les mêmes ruines d'espérance, sitôt abattues qu'élevées, la même poussière de choses broyées, les mêmes sentiers mille fois parcourus, les mêmes profondeurs inexplorées, épouvantables et ennuyeuses. N'êtes-vous pas là comme moi de vous réveiller tous les matins et de revoir le soleil? Là de vivre la même vie et de souffrir la même douleur? Là de désirer et là d'être dégoûté? Là d'attendre et là d'avoir? À quoi bon écrire ceci? Pourquoi continuer de la même voix dolente le même récit funèbre? Quand je l'ai commencé, je le savais beau, mais à mesure que j'avance, mes larmes me tombent sur le cœur et m'éteignent la voix. Oh, le pâle soleil d'hiver, il est triste comme un souvenir heureux. Nous sommes entourés d'ombre, regardons notre foyer brûlé. Les chardons étalés sont couverts de grandes lignes noires entrecroisées qui semblent battre comme des veines animées d'une autre vie. Attendons la nuit venir. Rappelons-nous nos beaux jours, les jours où nous étions gais, où nous étions plusieurs, où le soleil brillait, où les oiseaux cachés chantaient après la pluie, les jours où nous nous étions promenés dans le jardin, le sable des allées était mouillé, les corolles des roses étaient tombées dans les plates-bandes, l'air embaumait. Pourquoi n'avons-nous pas assez senti notre bonheur quand il nous a passé par les mains? Il eût fallu ces jours-là ne penser qu'à le goûter et savourer longuement chaque minute afin qu'elle s'écoulât plus lente. Il y a même des jours qui ont passé comme d'autres et dont je me ressouviens délicieusement. Une fois, par exemple, c'était l'hiver. Il faisait très froid. Nous sommes rentrés de promenade et comme nous étions peu, on nous a laissé nous mettre à l'aise autour du poêle. Nous nous sommes chauffés à l'aise. Nous faisions rôtir nos morceaux de pain avec nos règles, le tuyau bourdonnait. Nous causions de mille choses, des pièces que nous avions vues, des femmes que nous aimions, de notre sortie du collège, de ce que nous ferions quand nous serions grands, etc. Une autre fois, j'ai passé tout l'après-midi couché sur le dos, dans un champ, où il y avait des petites marguerites qui sortaient de l'herbe. Elles étaient jaunes, rouges, elles disparaissaient dans la verdeur du pré. C'était un tapis de nuances infinies. Le ciel pur était couvert de petits nuages blancs qui ondulaient comme des vagues rondes. J'ai regardé le soleil à travers mes mains appuyées sur ma figure. Il dorait le bord de mes doigts et rendait ma chair rose. Je fermais exprès les yeux pour voir sous mes paupières de grandes taches vertes avec des franges d'or. Et un soir, je ne sais plus quand, je m'étais endormie au pied d'un mulon. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Les étoiles brillaient, palpitaient, les meules de foin avançaient leur ombre derrière elles, la lune avait une belle figure d'argent. Comme tout cela est bien loin. Est-ce que je vivais dans ce temps-là? Était-ce bien moi? Était-ce moi maintenant? Chaque minute de ma vie se trouve tout d'un coup séparée de l'autre par un abîme. Entre hier et aujourd'hui, il y a pour moi une éternité qui m'épouvante. Chaque jour, il me semble que je n'étais pas si misérable la veille et sans pouvoir dire ce que j'avais de plus, je sens bien que je m'appauvris et que l'heure qui arrive m'emporte quelque chose, étonnée seulement d'avoir encore dans le cœur place pour la souffrance. Mais le cœur de l'homme est inépuisable pour la tristesse. Un ou deux bonheurs le remplissent, toutes les misères de l'humanité peuvent s'y donner rendez-vous et vivre comme des hôtes. Si vous m'aviez demandé ce qu'il me fallait, je n'aurais su que répondre. Mes désirs n'avaient point d'objet, ma tristesse n'avait pas de causes immédiates. Ou plutôt, il y a tant de buts et tant de causes que je n'aurais su en dire aucun. Toutes les passions entraient en moi et ne pouvaient en sortir, s'y trouvaient à l'étroit. Elles s'enflammaient les unes les autres comme par des miroirs concentriques. Modeste, j'étais plein d'orgueil. Vivant dans la solitude, je rêvais la gloire. Retiré du monde, je brûlais d'y paraître et d'y briller. Chaste, je m'abandonnais dans mes rêves du jour et de la nuit aux luxures les plus effrénées, aux voluptés les plus féroces. La vie que je refoulais en moi-même se contractait au cœur et le serrait à l'étouffer. Quelquefois, n'en pouvant plus, dévoré de passion sans bornes, plein de la lave ardente qui coulait de mon âme, aimant d'un amour furieux des choses sans nom, regrettant des rêves magnifiques, tenté par toutes les voluptés de la pensée, aspirant à moi toutes les poésies, toutes les harmonies, et écrasé sous le poids de mon cœur et de mon orgueil, je tombais anéanti dans un abîme de douleur. Le sang me fouettait la figure, mes artères s'étourdissaient, ma poitrine semblait rompre, je ne voyais plus rien. Je ne sentais plus rien, j'étais ivre, j'étais fou. Je m'imaginais être grand, je m'imaginais contenir une incarnation suprême dont la révélation eût émerveillé le monde, et ses déchirements, c'était la vie même du Dieu que je portais dans mes entrailles. À ce Dieu magnifique, j'ai immolé toutes les heures de ma jeunesse. J'avais fait de moi-même un temple pour contenir quelque chose de divin. Le temple est resté vide. L'ortie a poussé entre les pierres. Les piliers s'écroulent. Voilà les hiboux qui y font leur nid. N'usant pas de l'existence, l'existence musait. Mes rêves me fatiguaient encore plus que de grands travaux. Une création entière, immobile, irrévélée à elle-même, vivait sourdement sous ma vie. J'étais un chaos dormant de mille précipices féconds qui ne savaient comment se manifester ni que faire d'eux-mêmes. Ils cherchaient leur forme et attendaient leur moule. J'étais, dans la variété de mon être, comme une immense forêt de l'Inde où la vie palpite dans chaque atome et apparaît monstrueuse ou adorable. Sous chaque rayon de soleil, l'azur est rempli de parfums et de poisons. Les tigres bondissent, les éléphants marchent fièrement comme des pagodes vivantes. Les dieux mystérieux et difformes sont cachés dans le creux des cavernes parmi de grands monceaux d'or. Et au milieu coule le large fleuve avec des crocodiles béants qui font claquer leurs écailles dans le lotus du rivage. Et ces îles de fleurs que le courant entraîne avec des troncs d'arbres et des cadavres verdis par la peste. J'aimais pourtant la vie, mais la vie expansive, radieuse, rayonnante. Je l'aimais dans le galop furieux des coursiers, dans le scintillement des étoiles, dans le mouvement des vagues qui courent vers le rivage. Je l'aimais dans le battement des belles poitrines nues, dans le tremblement des regards amoureux, dans la vibration des cordes du violon, dans le frémissement des chaînes, dans le soleil couchant qui dore les vitres et fait penser au balcon de Babylone où les reines se tenaient accoudées en regardant l'Asie. Et au milieu de tout, je restais sans mouvement. Entre tant d'actions que je voyais, que j'excitais même, je restais inactif, aussi inerte qu'une statue entourée d'un essaim de mouches qui bourdonne à ses oreilles et qui court sur son marbre. Oh, comme j'aurais aimé si j'avais aimé, si j'avais pu concentrer en un seul point toutes ces forces divergentes qui retombaient sur moi. Quelquefois, à tout prix, je voulais trouver une femme. Je voulais l'aimer. Elle contenait tout pour moi. J'attendais tout d'elle. C'était mon soleil de poésie qui devait faire éclore toute fleur et resplendir toute beauté. Je me promettais un amour divin. Je lui donnais d'avance une auréole à m'éblouir. Et la première qui venait à ma rencontre, au hasard, dans la foule, je lui vouais mon âme et je la regardais de manière à ce qu'elle me comprît bien. Est-ce qu'elle put lire dans ce regard tout ce que j'étais et m'aimer? Je plaçais ma destinée dans ce hasard. Mais elle passait comme les autres, comme les précédentes, comme les suivantes. Et ensuite je retombais, plus délabré qu'une voile déchirée, trempée par l'orage. Après de tels accès, la vie se rouvrait pour moi dans l'éternelle mélancolie de ces heures qui coulent et de ces jours qui reviennent. J'attendais le soir avec impatience. Je comptais combien il m'en restait encore pour atteindre la fin du mois. Je souhaitais d'être à la saison prochaine. J'y voyais sourire une existence plus douce. Quelquefois, pour secouer ce manteau de plomb qui me pesait sur les épaules, je voulais travailler, lire. J'ouvrais un livre, et puis deux, et puis dix. Et sans avoir lu deux lignes d'un seul, je les rejetais avec dégoût et je me remettais à dormir dans le même ennui. Que faire ici-bas? Qui rêver? Qui bâtir? Dites-le-moi donc, vous que la vie amuse, qui marchez vers un but et vous tourmentez pour quelque chose. Je ne trouvais rien qui fût digne de moi. Je me trouvais également propre à rien. Travailler, tout sacrifier à une idée, à une ambition, ambition misérable et triviale, avoir une place, un nom, après, à quoi bon? Et puis je n'aimais pas la gloire. La plus retentissante ne m'eût point satisfait parce qu'elle n'eût jamais atteint à l'unisson de mon cœur. Je suis née avec le désir de mourir. Rien ne me paraissait plus sot que la vie et plus honteux que d'y tenir. Élevée sans religion comme les hommes de mon âge, je n'avais pas le bonheur sec des athées ni l'insouciance ironique des sceptiques. Par caprice, sans doute, si je suis entrée quelquefois dans une église, c'était pour écouter l'orgue, pour admirer les statuettes de pierre dans leur niche. Mais quant au dogme, je n'allais pas jusqu'à lui. Je me sentais bien le fils de Voltaire. Je voyais les autres gens vivre, mais d'une autre vie que la mienne. Les uns croyaient, les autres niaient, d'autres doutaient, d'autres enfin ne s'occupaient pas du tout de tout ça et faisaient leurs affaires, c'est-à-dire vendaient dans leur boutique, écrivaient leurs livres ou criaient dans leur chair. C'était là ce qu'on appelle l'humanité, surface mouvante des méchants, de lâches, d'idiots et de laids. Et moi j'étais dans la foule, comme une algue arrachée sur l'océan, perdue au milieu des flots, sans nom, qui roulait, qui m'entourait, qui bruissait. J'aurais voulu être empereur pour la puissance absolue, pour le nombre des esclaves, pour les armées éperdues d'enthousiasme. J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur mes talons et me mirer dans les ruisseaux. Je me perdais à plaisir dans des songeries sans limite. Je m'imaginais assister à de belles fêtes antiques, être roi des Indes et aller à la chasse sur un éléphant blanc, voir des danses ioniennes, écouter le flot grec sur les marches d'un temple, entendre les brises des nuits dans les lauriers roses de mes jardins, fuir avec Cléopâtre sur ma galère antique. Ah, folie que tout cela! Malheur à la glaneuse qui laisse là sa besogne et lève la tête pour voir les berlines passer sur la grande route. En se remettant à l'ouvrage, elle rêvera de cachemire et d'amour, de prince, ne trouvera plus d'épis et rentrera sans avoir fait sa gerbe. Il eût mieux valu faire comme tout le monde, ne prendre la vie ni trop au sérieux ni trop au grotesque. Choisir un métier, l'exercer, saisir sa part du gâteau commun et le manger en disant qu'il est bon, que de suivre le triste chemin où j'ai marché tout seul. Je ne serais pas à écrire ceci ou si c'était une autre histoire. À mesure que j'avance, elle se confond même pour moi, comme les perspectives que l'on voit de trop loin, car tout passe, même le souvenir de nos larmes les plus brûlantes, de nos rires les plus sonores. Bien vite l'œil se sèche, et la bouche reprend son pli. Je n'ai plus maintenant que la réminiscence d'un long ennui qui a duré plusieurs hivers, passé à bâiller, à désirer ne plus vivre. C'est peut-être pour tout cela que je me suis cru poète. Aucune des misères ne m'a manqué, hélas, comme vous voyez. Oui, il m'a semblé autrefois que j'avais du génie. Je marchais, le front rempli de pensées magnifiques. Le style coulait sous ma plume comme le sang dans mes veines. Au moindre froissement du beau, une mélodie pure montait en moi, ainsi que ces voix aériennes, sons formés par le vent qui sortent des montagnes. Les passions humaines auraient vibré merveilleusement si je les avais touchées. J'avais dans la tête des drames tout faits, remplis de scènes furieuses et d'angoisses non révélées. Depuis l'enfant dans son berceau jusqu'au mort dans sa bière, l'humanité résonnait en moi avec tous ses échos. Parfois, des idées gigantesques me traversaient tout d'un coup l'esprit, comme l'été de ces grands éclairs muets qui illuminent une ville entière, avec tous les détails de ses édifices et les carrefours de ses rues. J'en étais ébranlée, éblouie, mais quand je retrouvais chez d'autres les pensées et jusqu'aux formes même que j'avais conçues, je tombais, sans transition, dans un découragement sans fond. Je m'étais cru leur égal et je n'étais plus que leur copiste. Je passais alors de l'enivrement du génie au sentiment désolant de la médiocrité, avec toute la rage des rois détrônés et tous les supplices de la honte. Dans de certains jours, j'aurais juré être né pour la muse. D'autres fois, je me trouvais presque idiot. Et toujours passant ainsi de tant de grandeur à tant de bassesse, j'ai fini, comme les gens souvent riches et souvent pauvres dans leur vie, par être et rester misérable. Dans ce temps-là, chaque matin en m'éveillant, il me semblait qu'il allait s'accomplir ce jour-là quelque grand événement. J'avais le cœur gonflé d'espérance, comme si j'eusse attendu d'un pays lointain une cargaison de bonheur. Mais la journée avançant, je perdais tout courage, au crépuscule surtout. Je voyais bien qu'il ne viendrait rien. Enfin, la nuit arrivait et je me couchais. De lamentables harmonies s'établissaient ainsi entre la nature physique et moi. Comme mon cœur se serrait quand le vent sifflait dans les serrures, quand les réverbères jetaient leur lueur sur la neige, quand j'entendais les chiens aboyer après la lune. Je ne voyais rien à quoi me raccrocher, ni le monde, ni la solitude, ni la poésie, ni la science, ni l'impiété, ni la religion. J'irais en tout cela comme les âmes dont l'enfer ne veut pas et que le paradis repousse. Alors je me croisais les bras, me regardant comme un homme mort. Je n'étais plus qu'une momie embaumée dans ma douleur. La fatalité qui m'avait courbée dès ma jeunesse s'étendait pour moi sur le monde entier. Je la regardais se manifester dans toutes les actions des hommes, aussi universellement que le soleil sur la surface de la terre. Elle me devint une atroce divinité que j'adorais comme les Indiens adorent le colosse ambulant qui leur passe sur le ventre. Je me complaisais dans mon chagrin. Je ne faisais plus d'efforts pour en sortir. Je le savourais même, avec la joie désespérée du malade qui gratte sa plaie et se met à rire quand il a du sang aux ongles. Il me prit contre la vie, contre les hommes, contre tout, une rage sans nom. J'avais dans le cœur des trésors de tendresse, et je devins plus féroce que les tigres. J'aurais voulu anéantir la création et m'endormir avec elle dans l'infini du néant. Que ne me réveillais-je à la lumière des villes incendiées? J'aurais voulu entendre le frémissement des ossements que la flamme fait pétiller, traverser des fleuves chargés de cadavres, galoper sur des peuples courbés et les écraser des quatre fers de mon cheval, être Gengis Khan, Tamerlan, Néron, effrayer le monde au froncement de mes sourcils. Autant j'avais eu d'exaltation et de rayonnement, autant je me refermais et roulais sur moi-même. Depuis longtemps déjà, j'ai séché mon cœur. Rien de nouveau n'y entre plus. Il est vide comme les tombeaux où les morts sont pourris. J'avais pris le soleil en haine. J'étais excédée du bruit des fleuves, de la vue des bois. Rien ne me semblait sot comme la campagne. Tout s'assombrit et se rapetissa. Je vécus dans un crépuscule perpétuel. »